Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet, dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie. Chaque mois, nous partons donc à la rencontre d'acteurs de l'économie pour mieux comprendre les enjeux qui façonnent la vie des entreprises et nos territoires. Donc, l'objectif de cette émission est simple, rendre l'économie accessible à tous en donnant la parole à ceux et à celles qui la vivent au quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va profondément transformer la gestion des entreprises dans les prochaines années, la facture électronique. Alors retrouvons-nous dans quelques instants pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco. Alors aujourd'hui dans l'Instant Éco, nous allons donc en effet parler d'un sujet qui va concerner très concrètement des millions d'entreprises dans les prochaines années, la facture électronique, qui est en réalité un nouveau mode d'échange de factures entièrement numérique, standardisé et sécurisé, et qui va progressivement devenir obligatoire pour les entreprises en France. Donc un changement important qui va transformer les habitudes de gestion de nombreuses entreprises, des grandes sociétés jusqu'aux TPE, PME, artisans et indépendants. Alors comment fonctionne réellement la facture électronique, qui est concernée et surtout comment les entreprises peuvent-elles se préparer à cette évolution? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, donc Jérémy Margiban, qui est expert comptable mémorialiste au sein du cabinet CPA. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérôme. Nous allons donc parler de votre parcours, de votre métier, mais bien sûr que des enjeux liés à la facturation électronique. Alors avant de parler de la facture électronique, vous allez parler de votre parcours professionnel. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter vers la comptabilité et l'expertise comptable ? Alors, la comptabilité est un peu une histoire de famille chez nous. Mon père travaille dans le secteur et il m'avait déconseillé d'y aller. Pas de bol raté. J'ai débuté par un baccalauréat scientifique et j'ai ensuite poursuivi dans le cursus classique de l'expertise comptable en m'orientant vers un DCG, DSCG et DEC, donc diplôme d'expertise comptable. Pour lequel je suis encore en train de préparer ma dernière épreuve de mémoire. Alors je crois que c'est 8 ans d'études. Hein. C'est ça, exactement. 8 ans d'études, il faut être persévérant. Hein. Alors le métier d'expert comptable est souvent associé aux chiffres, à la fiscalité, mais en réalité je crois qu'il est beaucoup plus large. Comment décririez-vous ce métier aujourd'hui ? Effectivement, on entend souvent que notre métier, qu'il s'agit d'un métier de chiffres, mais c'est faux. C'est en réalité un métier de conseil où la proximité client donne du sens à nos missions. Il y a évidemment une partie chiffrée, mais celle-ci elle est de moins en moins prégnante. Elle sert surtout de base à l'accompagnement qu'on peut proposer à nos clients. Très bien. Alors vous dites, vous êtes aujourd'hui expert comptable mémorialiste. Alors pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie ? En fait, le diplôme d'expertise comptable, c'est le dernier échelon pour accéder au titre réglementé d'expert comptable. Et le terme de mémorialiste indique juste que je suis en train de préparer le diplôme. J'ai déjà validé les deux premières épreuves écrites et je prépare actuellement la dernière épreuve du mémoire qui correspond à la rédaction et la soutenance d'une thèse. Voilà, et votre diplôme, vous l'avez préparé donc à Nancy, je crois ? C'est ça, à Nancy, ouais. Au lycée Georges de la Tour, pour la partie DCG, puis après sur le lycée Robert Schumann à Metz. Et pour finir aussi, du coup, c'est l'IFEC qui est Place Léopold à Nancy pour le cursus Bac plus 8. Très bien. Alors au quotidien, quel type d'entreprise accompagnez-vous le plus souvent ? Alors le portefeuille de clients que nous avons chez CPA est très large. C'est un petit peu difficile d'en tirer une tendance. On accompagne aussi bien des grosses structures avec des chiffres d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros dans des secteurs par exemple tels que la charpente métallique, le traitement du bois, la plasturgie, la grande distribution, mais aussi des entreprises de taille beaucoup plus modeste, des artisans, des professions médicales, des SCI, etc. etc. Donc un panel très très large. Très très large, oui. Alors avec le recul, quel a été votre plus beau souvenir professionnel jusqu'à présent ? Alors c'était probablement l'accompagnement d'un de nos clients à la cession de son entreprise, à un groupe étranger. On a réussi à conserver notre mission à l'issue de la cession, donc c'est valorisant pour nous. Pour le client, cette vente, évidemment, ça matérialisait le fruit d'années de travail et la concrétisation sur une valorisation financière importante. Et pour nous, avec les travaux de contrôle réalisés par le conseil de l'acheteur, en fait, ils sont ressortis sans anomalie particulière, ce qui démontrait notre exigence sur le dossier et qui soulignait la qualité de nos travaux auprès de notre client. Donc, une belle réussite. Donc, c'était le premier gros dossier que vous avez suivi. C'est ça, oui. Alors, le monde de la comptabilité évolue énormément. Alors, est-ce un métier que je suppose qui a beaucoup changé ces dernières années ? Alors oui, le métier, en fait, il a déjà connu plusieurs révolutions depuis l'ordonnance de 1945. Même si je ne l'ai pas vécu, moi, proprement parler, j'aime à rappeler que les comptabilités étaient à l'époque tenues sur du papier carbone. Donc, il y a un petit bout de chemin qui a été fait depuis. En effet. Et effectivement, avec la digitalisation, nous récupérons les pièces comptables de nos clients de manière 100% numérique ou quasiment 100% numérique. Et toutes nos procédures le sont également. Et par contre, c'est là l'ADN de notre cabinet. Même si on travaille de manière dématérialisée, on essaye d'entretenir des relations de confiance et de proximité avec nos clients. Bon, en effet, donc, depuis quelques années, donc, la digitalisation s'impose et donc on va justement évoquer la facture électronique. Alors, pour commencer simplement, qu'est-ce que c'est une facture électronique exactement ? Une facture électronique, c'est une facture qui est émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée. En fait, sa caractéristique principale est de comporter un socle minimum de données sous forme structurée qui la différencie d'une structure papier ou d'un PDF ordinaire. En fait, pour faire simple, la facture électronique, c'est en fait un format hybride avec au recto un format visuel qui est visible à l'œil humain et au recto des données XML, donc des données d'information sur la facture, pour permettre une gestion automatisée de cette facture. C'est donc bien différent, donc, hein, vous l'avez précisé, donc d'une facture envoyée en PDF ou en email, hein, si je comprends bien. Oui, totalement, car les factures électroniques ne vont plus transiter sur des moyens de communication habituels, donc comme vous le disiez, sur du papier ou sur du mail, mais uniquement sur des plateformes avec une centralisation de l'information. Alors, on va revenir tout à l'heure sur le rôle, effectivement, de ces plateformes. Alors, pourquoi l'État met-il en place cette réforme ? Quels sont, finalement, les principaux objectifs attendus de cette facture électronique ? L'État a décidé de généraliser la facturation électronique pour moderniser l'économie et simplifier la gestion dans les entreprises. En fait, la réforme, elle poursuit quatre objectifs principaux. Le premier, c'est lutter contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA, grâce à des recoupements automatisés. Et on estime que le manque à gagner pour l'État est de 10 à 20 milliards d'euros par an en France. Bon, ça serait bienvenu dans le contexte de déficit budgétaire. Hein. Exactement. Le deuxième, c'est de renforcer la compétitivité des entreprises en réduisant la charge administrative liée au traitement du papier. Alors, il y a des estimations qui disent que le coût de traitement d'une facture pourrait tomber à moins de 1 euro contre plus de 10 euros actuellement pour une facture papier. Le troisième, c'est de faciliter les déclarations de TVA avec à terme un pré-remplissage progressif des formulaires de déclaration de TVA et donc un pré-remplissage automatisé à estimer ici horizon 2030. Et enfin, le quatrième et dernier objectif principal de la réforme, il est d'améliorer la connaissance de l'activité économique en temps réel pour permettre à l'État de piloter plus finement ses politiques économiques. Alors, avant de continuer nos échanges donc, sur la facture électronique, en rentrant dans le détail justement du fonctionnement, hein, il serait temps de découvrir votre premier coup de cœur musical parce que nous avons l'habitude de montrer que les professionnels que nous recevons, il n'y a pas que la comptabilité ou la facture électronique pour vous, il y a aussi une vie privée. Alors, quel est le morceau que vous avez choisi pour cette première pause musicale ? J'ai choisi le morceau Wake Up de Imagine Dragon avec une petite référence pour ma femme depuis peu parce qu'on a coupé le gâteau d'anniversaire sur cette chanson. Ah ben, félicitations à vous. Et on va donc écouter donc tout de suite donc votre premier coup de cœur musical et on se retrouve donc pour cette deuxième partie de l'Instant Écho pour parler justement du mode de fonctionnement de la facture électronique. Between us, big man gonna break to pieces. Spinning and then can't believe it. Spinning. Turn around, turn it up. Talk a bit, zip it up. Lock you in and close it up. Yup. Switch it up when I crawl the ceiling. Flip it upside down, I'm wheeling. Dealing in. Every single one of you is coming to my mind. Bring them all together, can you stack them in a line? Jealousy is gonna be a failure, not mine. Winning. Turn around, turn it up. Talk a bit, zip it up. Lock you in and close it up. Give an inch and I'm bound to seize it. Take a chainsaw out and feed it. Come alive when you don't believe it. Write me off and I'd love to read it. Spit your words and I'll watch you eat it. Digging in. Oh, everybody's coming for you. Wake up. Everybody's coming, wake up. Voilà, c'était le premier coup de cœur de notre invité, donc Jérémy Bargiban. C'était Wake Up de Imagine Dragon. Vous écoutez Fadjet. Oui, vous êtes bien sûr Radio Fadjet dans l'émission L'Instant Éco et nous accueillons aujourd'hui donc Jérémy Bargiban, expert comptable mémorialiste, pour parler de la facture électronique. Alors, dans la première partie, nous avons évoqué votre parcours professionnel et le principe de la facture électronique, mais on va rentrer un petit peu dans le cœur du fonctionnement de cette facture électronique. Alors tout d'abord, cette réforme va concerner un grand nombre d'entreprises. Qui est concerné par cette obligation ? Eh bien, toutes les entreprises sont concernées par la réforme. Seuls les particuliers, les associations à but non commercial, les entreprises étrangères ne sont pas concernées. Elle implique en fait deux choses, l'émission des factures électroniques, ce qu'on appelle le invoicing, et la deuxième, la transmission des données à l'administration, la partie e-reporting. Très bien. Alors, concrètement, donc, comment fonctionne donc ce système ? Donc, si j'ai bien compris, et vous allez nous l'expliquer, il y a donc trois acteurs principaux pour gérer cette facture électronique. Oui, alors du coup, les trois acteurs de la réforme sont les suivants. Le premier acteur, c'est la plateforme agréée, qui est la seule intermédiaire habilitée à émettre, recevoir et transmettre des factures électroniques et à assurer la transmission des données fiscales. Et cette plateforme agréée fait l'objet d'une immatriculation par l'État. Le deuxième acteur, c'est le portail public de facturation, le PPF, qui gère l'annuaire central et collecte les données de facturation, de transactions et de paiement pour le compte de l'État. Et enfin, le troisième acteur, la solution compatible, qui a pour rôle en tant que prestataire technique de produire des factures ou des données conformes aux obligations à la réforme, et elle doit obligatoirement être raccordée à une plateforme agréée. Alors, c'est un peu complexe tout ça, on va prendre un exemple concret. Je suis une entreprise A, donc qui doit émettre une facture à une entreprise B. Donc je vais donc devoir utiliser une facture électronique, c'est ça ? C'est ça. Alors du coup, effectivement, l'entreprise A va utiliser son outil de facturation habituel, qu'on appelle en fait la solution compatible. Mmh. Donc avec son cabinet d'expertise comptable, avec son cabinet, avec son logiciel de facturation qu'elle utilise tous les jours. D'accord. Et qui est estampillé facture électronique. Mmh. Donc en fait, pour elle, ça ne change rien. Elle fait quand même sa facturation sur son outil de facturation habituel. Et cet outil de facturation-là, lui, va transmettre l'information à la plateforme agréée. Et cette plateforme agréée transmet l'information de la facture et des données, d'une part, au client, qui est quand même le principal intéressé, ouais, mais aussi à l'administration fiscale, au PPF. D'accord, donc ça veut dire que cette facture-là va à la fois donc aller à son destinataire, donc le client, mais aussi à l'administration fiscale, qui va recevoir automatiquement cette facture, avec par exemple des données sur la TVA. Et c'est ça. Elle va pouvoir donc pré-remplir une des obligations des entreprises, c'est faire une déclaration de TVA mensuelle ou trimestrielle ou annuelle. D'accord. Donc là, à terme, effectivement, pour 2030, l'État envisage de pouvoir pré-remplir les déclarations de TVA grâce à toute l'information récupérée de facturation. Très bien. Alors, quels sont les principaux avantages donc pour une entreprise ? Alors, il y en a quelques-uns. Sur les principaux, on peut noter la réduction des coûts de traitement d'une facture, comme on l'a un petit peu dit tout à l'heure. Un gain de temps et une automatisation, une amélioration de la trésorerie, parce que du coup, l'entreprise va pouvoir suivre en temps réel ses créances clients et les relancer. Alors, beaucoup de dirigeants de PME ou de TPE peuvent être inquiets face à ce changement. Alors, quelles sont les principales difficultés ou craintes que vous observez déjà chez vos clients ? Beaucoup de nos clients ont peur que la facture électronique vienne totalement bouleverser leur fonctionnement, mais en réalité, la facture électronique sera simplement un nouveau canal de traitement de leurs factures. Donc on essaye de simplifier la réforme et de dire que effectivement c'est juste un nouveau mode de réception de la facturation. Mmh. Alors est-ce que cela va transformer aussi le rôle des cabinets d'expertise comptable ? Évidemment, la réforme elle va aussi transformer le rôle de nos cabinets. Elle va largement faciliter la collecte, la saisie et la vérification des données. Et donc il va y avoir un gain de temps sur la saisie comptable qui est resté jusque-là très manuel. Et ce temps gagné avec cette automatisation devrait servir à des propositions de nouvelles missions, de la facturation, du paiement pour le compte des clients, du recouvrement, du pilotage via des indicateurs de performance, etc. etc. La posture des cabinets elle sera de plus en plus axée sur le conseil, du coup. Alors, vous parlez de gain de temps, donc je suppose que le taux d'erreur va diminuer avec cette facture électronique au niveau de la saisie, par exemple. Oui, on espère que le taux d'erreur diminue largement, puisque on aura toutes les informations avec les fichiers XML, dont on parlait tout à l'heure, d'informations sur la facture. Et ces fichiers-là devraient permettre à la comptabilité d'automatiser les flux et d'automatiser la saisie. Mmh. Alors, cette réforme ne va pas arriver du jour au lendemain. Hein, pouvez-vous nous rappeler finalement les grandes dates pour sa mise en place ? Cela fait déjà quelques temps qu'on entend parler de la facture électronique. Elle devait d'ailleurs déjà être en vigueur si l'on se référait au planning initial qui a été modifié. Mais les dates clés à retenir sont maintenant les suivantes. Au 1er septembre 2026, avec une obligation de réception pour toutes les entreprises, quelle qu'elle soit leur taille, et une obligation d'émission pour les ETI et les grandes entreprises. Et la deuxième date, c'est au 1er septembre 2027, avec une obligation d'émission étendue aux PME et aux micro-entreprises. Alors bon, c'est vrai, pour nos auditeurs, on entend parler d'ETI, de grandes entreprises et de PME. On va peut-être rappeler rapidement, je crois que les PME, c'est jusque donc 250 salariés, je crois, hein. Oui, c'est ça, 250 salariés. Hein. Les ETI, entreprises de taille intermédiaire, je crois que c'est 250 jusqu'à 5000 salariés. Et les grandes entreprises, donc au-delà de 5000 salariés. Hein. Donc, c'est vrai qu'en Lorraine, on a essentiellement un tissu donc, de PME. De PME, et, voire des toutes petites entreprises, or moins de 10 salariés. Donc là, ils sont, vous avez parlé de micro-entreprises, donc ça, c'est à partir de 2027. Exactement, 1er septembre 2027. Pour la partie émission, mais par contre, il y a quand même l'obligation dès le 1er septembre 2026 en réception. Réception, hein, c'est vrai que c'est assez complexe. Hein, donc, si je résume bien pour nos auditeurs, donc 2026, obligation de réception pour toutes les entreprises dès le mois de septembre, hein, puis une obligation d'émission qui va être progressive. Voilà, donc on va, après cette, ces précisions, on va passer maintenant à la deuxième pause musicale avant d'aborder dans cette dernière partie les conseils cette fois-ci pour se préparer au passage donc de la facture électronique. Alors, quel a été votre choix? Alors, pour cette deuxième pause musicale, j'ai choisi Charlie Brown de Coldplay. Eh bien, on écoute tout de suite votre deuxième coup de cœur. Smash my heart into smithereens. Be a bright red rose. Voilà, très bon choix musical pour ce deuxième coup de cœur avec Coldplay, avec la chanson que Charlie Brown. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Oui, donc vous êtes bien sûr Radio Fadjet dans l'instant écho, toujours en compagnie donc de Jérémy Bargibank, expert comptable mémorialiste. Alors quel cabinet d'expertise comptable, on le rappelle ? Cabinet CPA sur Metz. CPA sur Metz. Alors nous allons donc, nous parlons donc depuis donc le début de cette émission sur la facture électronique. Nous avons essayé de comprendre, c'est pas évident donc son fonctionnement et l'impact donc pour les entreprises. Alors si aujourd'hui une entreprise nous écoute et qu'elle n'a pas encore pris rien mis en place pour ses factures électroniques, par où doit-elle commencer pour se préparer? Alors avant tout, il faut clarifier ce que la réforme impose. On l'a bien compris, il y a quand même quelques particularités et quelques difficultés de compréhension de la réforme. Donc la première action, elle vise à vérifier que les dates d'obligation sont bien respectées et il faut aussi vérifier les cas spécifiques, par exemple le business to business, donc de professionnel à professionnel, ou de la facturation à l'international. Ensuite, il est nécessaire de cartographier sa situation actuelle en faisant un état des lieux. Donc comment émettez-vous vos factures aujourd'hui? Comment les recevez-vous? Quels outils utilisez-vous? Un ERP, un CRM, un outil de facturation particulier? Quels sont vos volumes mensuels? En fait, l'objectif est d'identifier les flux d'une part et les écarts entre le fonctionnement actuel et les exigences futures de la réforme d'autre part. Et enfin, il faut sélectionner la plateforme agréée adaptée aux besoins de l'entreprise selon certains critères de choix. La solution doit évidemment garantir le respect strict du cadre imposé par l'administration, mais elle doit aussi présenter des fonctionnalités à valeur ajoutée pour l'entreprise pour qu'elle puisse gagner elle aussi en efficacité. Alors le choix de cette plateforme agréée, je suppose qu'elle est effectuée en lien avec le comptable ou l'expert comptable qui suit l'entreprise. Oui, c'est ça. On essaye de conseiller nos clients évidemment sur ce choix de plateforme en fonction de leur activité. Et en fonction surtout des besoins qu'ils ressentent par rapport à la facturation électronique. En sachant qu'il y a, je crois, un choix important de ces plateformes. Je crois qu'elles sont plus de 120, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a 120 plateformes agréées sur le moment. Qui ont été reconnues par l'État. C'est ça. Elles ont fait l'objet d'une immatriculation auprès de l'État. Et donc, il y a possiblement un choix panel de 120 plateformes. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas évident pour le néophyte de pouvoir faire ce choix. D'où l'importance du rôle de conseil de l'expertise comptable. Hein. Alors, y a-t-il des outils ou des solutions qui permettent de faciliter cette transition ? Oui, alors sur l'approche théorique, c'est vrai que le site du gouvernement a récemment publié une page dédiée sur la facturation électronique qui est très très riche. On y retrouve toute la documentation nécessaire avec des explications claires, des vidéos de présentation, la liste des plateformes à jour et même des questionnaires pour tester ses connaissances sur la facturation électronique. Alors j'ai pu le tester, c'est sous forme de jeu en plus, donc s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas. C'est utile hein, de ce genre de quiz qui permet de vérifier qu'on a bien compris hein, les grands principes. C'est ça. Et puis pour ce qui est de l'approche un peu plus pratique, ce que je peux conseiller aux entreprises, c'est évidemment de se tourner vers leur expert comptable qui est le mieux placé pour répondre à leurs questions et accompagner cette transition. Alors selon vous, quelles erreurs les entreprises doivent-elles absolument éviter ? Alors les erreurs, elles peuvent être multiples. La première, ce serait d'attendre la dernière minute, ce qui est l'erreur la plus fréquente. On a toujours usage de repousser l'échéance sous prétexte que la réforme n'est pas applicable à compter du 1er septembre 2026. Et ensuite, on agirait dans la précipitation, donc mauvais choix. La deuxième erreur serait de choisir ces outils seuls, avec un risque de surcoût caché lié au mauvais choix des solutions numériques. Alors qu'avec une approche à 360 degrés, l'expert comptable, lui, pourra vérifier que les solutions choisies sont bien compatibles avec les outils actuels de l'entreprise et qu'ils répondent aux obligations spécifiques. Le troisième point d'erreur, ce serait de se focaliser uniquement sur l'outil. On parle beaucoup d'outils de sélection de PA, mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est surtout le processus. Se concentrer exclusivement sur le choix de la PA sans analyser les flux, c'est une erreur de méthode parce qu'il faut évidemment tout d'abord cartographier ses fournisseurs et ses clients pour identifier les cas d'usage spécifiques. Et donc, voilà, en fait, ces fameuses... plateformes agréées. Ces fameuses plateformes agréées, en fait, elles sont en fait spécialisées, peut-être adaptées en fonction des différents types de besoins. C'est ça. Alors, en fait, il y a des plateformes qui sont dédiées, pour ne pas les citer. Il y en a qui sont spécifiques pour l'industrie pharmaceutique. Il y en a d'autres qui sont plus spécifiques pour des grosses entreprises et d'autres pour des plus petites, pour des artisans où, effectivement, c'est leur cœur de métier. Très bien. Alors, puis quatrième, je crois que vous avez un quatrième oui, erreur. Oui, bah, le quatrième erreur, on parle de facture électronique, mais il y a toujours un humain derrière. Et sous-estimer ce facteur-là, ce serait une grosse erreur. Il ne faut pas oublier que la réforme, elle est aussi organisationnelle. Et donc, il faut sensibiliser les collaborateurs des entreprises sur tous ces points. Donc, si j'ai bien compris, éviter donc d'attendre le dernier moment, faire confiance à son comptable ou expert comptable pour, au niveau des conseils, bien choisir cette plateforme agréée en fonction de ses propres besoins et se renseigner sur ce que propose chaque plateforme agréée. Et puis, peut-être, effectivement, si vous avez des collaborateurs, bien les former hein, à ces nouveaux outils. Alors, on a évoqué donc la digitalisation progressive des entreprises. Alors, je suppose que cette réforme va accélérer cette digitalisation des entreprises. Oui, bien sûr. Alors, il faut rappeler que la réforme ne vise pas seulement une conformité réglementaire, elle constitue une opportunité de simplifier la gestion administrative et gagner en efficacité dans les échanges de factures. Donc oui, cette réforme se positionne comme un accélérateur majeur de la digitalisation des entreprises françaises. Et on l'a dit tout à l'heure, ça va faire évoluer donc le métier d'expert comptable dans les années à venir. Et si j'ai bien compris, c'est davantage donc vers le rôle de conseil que vous allez vous orienter désormais. Oui, c'est ça. Je pense que toutes ces évolutions vont permettre de valoriser clairement le rôle de l'expert comptable. Parce que grâce à l'automatisation de la collecte et l'intégration des factures et des autres données comptables, les cabinets vont gagner en productivité et vont pouvoir réaffecter le temps libéré à des activités à plus forte valeur ajoutée. Plus concrètement, cela va permettre de consacrer davantage de temps à l'analyse, à la construction de scénarios, à la préparation de tableaux de bord sectoriels et à des rendez-vous stratégiques avec les dirigeants. Autrement dit, l'expert comptable sera de plus en plus expert et de moins en moins comptable. Donc, si vous deviez donc finalement, pour conclure, donner un conseil aux dirigeants d'entreprise qui nous écoutent concernant donc la facture électronique, quel serait-il ? Eh bien, de se préparer à la réforme dès aujourd'hui. Alors, dernière question, si on souhaite vous joindre, pouvez-vous repréciser le nom et l'adresse de votre cabinet ? Oui, alors vous pouvez contacter notre cabinet CPA via notre site internet www.cpalec.com ou par téléphone au 03 82 25 94 70. Et nous retrouver dans nos bureaux à Erserange, Metz et Frémin-Merlebach. Eh bien, merci Jérémy Bargiban d'avoir accepté mon invitation et d'avoir éclairé nos auditeurs sur un sujet qui est assez complexe, hein, les enjeux de la facture électronique. Donc, n'hésitez pas de retrouver donc cette émission en replay sur le site de Radio Fadjet. On retiendra que derrière cette réforme se cachent à la fois des obligations nouvelles, mais aussi des opportunités pour moderniser la gestion des entreprises et gagner en efficacité. Eh bien, merci donc à vous, Jérémy, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Instant Éco. Et puis d'ici là, n'oubliez pas de rester fidèles à Radio Fadjet.